Si pose, ma te kei pale ba, ma te men oublie, sa ma te ka ripoche, wa sal kou dia pa mwen krake. Ma te kei le resiste, me la mou ha te douce, le nou pa te ka joue. Si nous te prenons temps pour nous te parler, collez, serrez, nous te cadencer. Si nous te prenons temps pour nous te causer, collez, serrez, nous te cadencer. Si nous te prenons temps pour nous expliquer, collez, serrez. Mais si tu n'es pas temps pour nous, t'es pas là.